Voilà, ça vous rappelle vraisemblablement votre jeunesse, que dis-je? Pourquoi votre jeunesse? Ça vous rappelle tout simplement quelques bons souvenirs avec les loups blancs. Et on va partir avec les vacances espagnoles. Pour elle, voilà une chose qu'elle est bonne, comme dirait l'autre. On est toujours avec les loups blancs, et encore pendant encore oh, allez, quelques minutes avec eux. Thank you. va se coucher la nuit. Le soleil rocit les sommets. Doucement, la nature s'éveille. Un oiseau commence à chanter. Près de lui, tant quelques abeilles sont déjà parties butiner. Rappelez bien sûr avec les loups blancs, bien sûr, il y avait Ricou à l'accordéon, bien évidemment, Fernand Rochette que l'on regrette beaucoup même, mais voilà, toujours présent malgré tout, et dans cette émission, plus particulièrement le Fernand et puis le Toto, bien sûr, et tutti quanti, comme on dit chez nous. Sans oublier la chanteuse, bien sûr, dont on ne dévoilera pas le nom, la jolie blonde. Thank you. petit coin de bruyère. Une étoile née pour toujours. C'est l'étoile des monnaies. C'est l'étoile des troubadours. Peu à peu, elle nous ensorcelle. On en rêve tous les jours. Cette étoile dans la rivière, c'est l'étoile des troubadours. Voilà, c'est Billes de billard que vous venez d'entendre. Eh bien, on continue avec C'est la faute à mon accordéon. Et là, on arrête avec les loups blancs et on continue avec Lucien Auguste. Chanson, quelle que soit la saison, c'est la faute à mon accordéon. Si j'ai au fond de mon cœur ce merveilleux bonheur, sa musique je la connais par cœur. Si quand arrive le soir, renaît en moi l'espoir, celui de te revoir. Si j'ai la tête en chanson, quelle que soit la saison, c'est la faute à mon accordéon. Danse, tu me souris, je suis heureux, c'est la fête. Mon cœur, merci, c'est lui qui m'a permis de te connaître. Mon copain de jeunesse, celui qui m'a fait croire, celui que je caresse, qui me raconte la plus belle histoire. Quelle que soit la saison, c'est la faute à mon accordéon. Si j'ai au fond de mon cœur ce merveilleux bonheur, sa musique la connaît par cœur. Si quand arrive le soir, renaît en moi l'espoir, celui de te revoir. Si j'ai la tête en chanson, quelle que soit la saison, c'est la faute à mon accordéon. Quelle que soit la saison, c'est la faute à mon accordéon. Si j'ai au fond de mon

manqué de jeunesse. Tous les passants en la regardant croient trotter le printemps. On l'appelle brin d'amour, elle est belle comme le jour et s'en va du bonheur plein les yeux. Car elle aime un beau gars qui lui a dit tout bas, nous tâchons d'être heureux tous les deux. Ça s'est fait simplement, un baiser, un serrement. Puis un soir, au faubourg, il compte, il peut toujours brin d'amour. L'appelle brin d'amour, elle sourit tout le jour et l'on voit du bonheur dans leurs yeux. Car elle aime le beau gars qui gaiement lui prouva que l'on est heureux quand on est deux. Je n'ai rien inventé, ça peut vous arriver. C'est facile comme bonjour, il suffit de trouver un brin d'amour. Coplas, Coplas, oh, allez, c'est un fidèle de chez fidèle, Coplas. Coplas avec Pascal Loubersac et son orchestre. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Christophe Coineau, Fleur de neige, Au-delà des bruyères, ah, la belle valse. Même village, on a presque le même âge. Tous les édelvers et tous les oiseaux nous ont vu grandir. Un jour on s'est fiancés en vue de se marier. Mais tu as choisi un gars de la ville, un autre avenir. C'est bien toi la plus jolie, ma fleur de neige. Aujourd'hui c'est un grand jour, tu te maries. Je ne t'oublierai jamais, ma fleur de neige. Je t'aime tant, mais voilà, tout est fini. Quand arrivera Noël et que les flocons du ciel viendront décorer d'un voile léger tes cheveux dorés. Est-ce que tu auras, dis-moi, une petite pensée pour moi, au fond de ton cœur, un peu de douceur cachée en secret. C'est bien toi la plus jolie, ma fleur de neige. Aujourd'hui c'est un grand jour, tu te maries. Je ne t'oublierai jamais, ma fleur de neige. Je t'aime tant, mais voilà, tout est fini. C'est un petit cabanon, et ce petit cabanon, il va nous cacher une petite Java. Java, Java, Java. Je connais des tas de gens qui dans la vie voient grand. Je je n'ai pas un des bocal qui le cause qu'il faut. Pour mon compte, voyez-vous, il n'en faut pas beaucoup. Moi, mon rêve le plus fou, c'est dans le soleil, c'est tout. Un petit cabanon, pas plus grand qu'un bougeoir de poche. Un petit cabanon, au bord de la mer sur des roches. Pour vivre qu'il fait bon, quand un vrai gars sur toi s'accroche. Son pavillon joyeux, qui claque dans le tracé bleu. À l'intérieur, sur une table, c'est tout. Oui, mais sur cette table, il y faudra surtout un œil au lit tolérant et cordial, dont se régalera le gourmand provençal. C'est pourquoi, sans façon, je me dis, là dans ma caboche, hey, le bonheur fait mon banc, c'est un tout petit cabanon. Petit cabanon, pas plus grand qu'un mouchoir de poche. Un petit cabanon, au bord de la mer sur les roches. Pour vivre qu'il fait bon, quand la blague à son toit s'accroche. Son pavillon joyeux, qui claque dans notre ciel bleu. À la tourienne, sur une table, c'est tout. Mais sur cette table, il y faudra sur vous. Un aïoli tolérant et cordial, dans ce régalera le gourmand provençal. C'est pourquoi sans façon, je me dis là dans ma caboche, le bonheur fait mon bon, c'est un tout petit cabanon. Dominique et Stéphanie Floquet, dont ils animent l'orchestre, ainsi dénommé d'ailleurs, Dominique et Stéphanie Floquet, avec le Madison de l'amour. Toujours, toujours, le malison de l'amour. C'est pour vraiment trésor, mon amour. Oublions nos soucis et restons des amis. C'est un petit medley des valses, de valses de swing par l'orchestre Dominique Moisan. De violette. Eh oui, c'est un bouquet de violette, l'amour. Allez, je vous le donne, ce bouquet.

étoiles qui semblaient ne briller que pour nous. On a dansé tout simplement sur une mélodie. Notre histoire a commencé. Oui, souviens-toi, c'était hier et le temps s'en va plus loin. Reste une mélodie et ces mots, je t'aime. Mère est belle. C'est la bande à Bardet qui nous interprète cette belle chanson de marin, bien sûr. Amis, partons sans bruit, à la pêche sera bonne, le clair de lune d'or, une partie de la nuit, je veux qu'avant l'aurore. Nous soyons de retour pour embrasser encore l'objet de nos amours. Allez les gars! Partons, la mer est belle, embarquons-nous pêcheurs. Guidons notre nacelle, ravons avec ardeur. Au mahisson, on les voit. Il fut surpris soudain et jeté au rivage par un fatal destin. Embarquons-nous pêcheurs, guidons notre Et c'est ainsi que l'on termine cette première partie de Dimanche Musette. C'est ainsi qu'on la termine, tout simplement. Voilà, ça c'est fait. On y va avec la variété française. Ah oui, on va y aller. On va même pas tarder à y aller. Allez, c'est parti. C'est parti, pas tout à fait. Je voudrais vous dire que dans cette variété française, vous allez retrouver, comme presque toujours dans cette émission, eh bien, des chanteurs ou des chanteuses qui n'ont pas forcément, comment dirais-je, on va dire pignon sur rue, voilà. On ne les entend pas beaucoup. Néanmoins, ils sont là, et bien là, avec des chansons que l'on aime à se rappeler. On est parti dans cette variété française que vous aimez tant, dans Dimanche Variété. Et on commence avec une dédicace, et cette dédicace est de la part de Lulu et de Fanfan, les danseurs mondains d'Ardon. Pour toute l'équipe de Sorgia FM, pour leur présence, que ce soit à l'accueil ou à l'antenne, ça aide en ces moments particuliers. Merci les deux danseurs, merci beaucoup. 28 degrés à l'ombre, oh, ça vous rappelle certainement un film. On va écouter. Monaco, 28 degrés à l'ombre, c'est fou, c'est trop. On est tout seul au monde. Tout est bleu. Tout est beau. Tu fermes un peu les yeux. Le soleil est si haut. Je caresse tes jambes. Mes mains brûlent ta peau. Oh, Je vous invite à prendre la route avec moi. Ou plutôt, non, pas avec moi. Avec quelqu'un que vous avez peut-être connu, entendu. Anthony Dupré, prendre la route avec moi. La moto dont je rêvais, je viens de me la payer. Et je peux dire qu'aujourd'hui, c'est le plus beau jour de ma vie. Il ne me reste plus qu'à trouver la fille qui voudra prendre la route avec moi. Prendre la route avec moi. Au fond de moi, je le sais, c'est par hasard sans chercher que je la rencontrerai. Celle qui tout contre moi viendra pour la première fois prendre la route avec moi. Prendre la route avec moi. Prendre la route avec moi. Avec moi. Nous descendrons vers la mer sans regarder en arrière et nous prendrons tout le temps de savourer chaque instant d'un amour en liberté. Sentiment partagé avec celle qui saura prendre la route avec moi. Prendre la route avec moi. Prendre la route avec moi. Avec moi. Chevauchant ma moto, je sentirai dans mon dos les battements de son cœur au rythme de mon bonheur. Et je sais qu'on s'aimera si fort qu'encore il voudra prendre la route avec moi. Prendre la route avec moi. Prendre la route avec moi. Avec moi, prends la route avec moi, prends la route avec moi, prends la route avec moi, avec moi, prends la route avec moi. Barbara Carlotti nous fait découvrir un bateau qui passe. Devant la mer, sur ce rocher, comme toujours, je pense à toi. Sais-tu seulement ce que je voudrais? C'est toujours revenir vers toi. Ici à l'autre bout du monde, un bateau passe devant moi. Foulard en main que j'agite en vain, et toujours le bateau s'en va. Un bateau qui passe, fleurs s'ouvrent pour moi. Même les oiseaux dans la forêt me disent écoute, on chante pour toi. Rivage de Corse au beau rivage. Non, je ne vous oublie pas. Larmes amères devant la mer, c'est la marée qui monte en moi. Un bateau qui passe tout doucement devant moi et peu à peu s'efface dans l'immensité. À ma tendre douleur qui me fait en vacances, eh ben c'est bien, dans notre région il y a de quoi faire. Et Christophe Ripper, lui, vous entraîne dans un amour de vacances. Le parfum enivrant de l'été entre ses mains nous a bercé dans l'abîme de tes yeux passionnés. Belle et fragile, tu m'as entraîné. C'est un amour de vacances, une histoire sans lendemain, mais à laquelle on repense les yeux pleins de chagrin, avec la même impuissance face au temps assassin. Il a fallu nous séparer. Et la plage s'est vidée lentement de nos images semées au vent. C'est un amour de vacances, une histoire sans lendemain, mais à laquelle on repense les yeux pleins de chagrin, avec la même impuissance face au temps assassin. Seconde où je ne pense. Elsa Esnault. Et dans la nuit, j'ai prié. Oh, qu'est-ce qu'elle a bien pu prier. J'avais pourtant tant de choses à te dire, des sentiments, des larmes et des soupirs, tous ces petits secrets que pour moi je gardais, en espérant qu'un jour on parlerait d'amour. Et dans la nuit j'ai prié tu comprends combien grande est ma peine de t'avoir fait pleurer. Oui, dans la nuit j'ai prié pour qu'un jour tu reviennes, que la vie nous enchaîne, toi et moi à jamais. Je n'ai pas su te dire que je t'aimais. Je n'ai pas su non plus enfin te rassurer, te dire que tu étais beaucoup plus qu'un ami, que tu comptais plus que tout dans ma vie. Et dans la nuit j'ai prié pour qu'enfin tu comprennes combien grande est ma peine d'avoir fait pleurer. Oui, dans la nuit j'ai prié pour qu'un jour tu reviennes, que la vie nous enchaîne, toi et moi à jamais. Et dans la nuit j'ai prié pour qu'enfin tu comprennes combien grande est ma peine. Fernandel, l'ami Fernandel. Tout ça, c'est Marseille, bien évidemment. Sur le vieux port, quand le jour vient de naître, de bon matin, j'ouvre ma fenêtre. Le boulanger, le marchand de volailles sont déjà là, et chacun travaille. Alors, rassuré, puisqu'ils sont levés, moi, je vais me recoucher. Tout ça, c'est Marseille, merveille des merveilles. La mer est bleue, le soleil brille. Pour les garçons, il y a de belles filles. Et puis, il y a des chansons qui montent de chaque maison. D'humeur sans égale, c'est à la provençale qu'on parle avec les mains comme les napolitains. Et sur le coup de midi, on s'affole, t'es parti. Tout ça, c'est le midi. exubérant, galégeur, optimiste. Le Marseillais, lui, oh, n'est jamais triste. Mais si parfois il se met en colère, ça fait du bruit, un bruit du tonnerre. S'il est pas d'accord, s'il sent qu'il a tort, il crie bien plus fort. Tout ça c'est Marseille, merveille des merveilles. La bonne mère nous protège, mais en plus de ce privilège, on a, c'est un détail, l'accent avec sa pointe d'ail. La gaieté domine au pays de la sardine. On se croise dans les rues, adieu, comment vas-tu? Venez donc, c'est un conseil, passez des jours sans pareil. Où ça? Au pays du soleil. Qu'est-ce que c'est? Le tonnerre? Mais ouais, il pleut. Oh, ça alors c'est pas possible. Il y a au moins 20 ans qu'on n'a pas vu un temps pareil. Coquin de sort, il dégringole quelque chose. V, le soleil qui revient. Oui, mais à Marseille, merveille des merveilles, le temps est comme nous, ça passe d'un seul coup. Le Mistral est un ami, quand il souffle, c'est fini. Tout ça, c'est le midi. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Jeux interdits. Eh oui, ça a été aussi la musique d'un film. Là, en l'occurrence, Jeux interdits sont interprétés par Jane Birkin. Elle se fabriquait des histoires et jouait toutes deux aux jeux interdits. Une nécropole dérisoire, elle jouait toutes deux aux jeux interdits. Elle enterrait tout, la pantoupe pour les croix serties des sur la colline. Secret et clandestine, la la la la la la la la la la la la. Des fausses rayures dans la nuit noire, elle jouait. Elle jouait toutes deux jeux interdits. Étrange cérémonie, porcelaines échangées, mais assassines, couronnes et églantines, cruelles se cavalaient sur la colline. La la la la la la la la la la la la. Julien Clerc avec sa nouveauté, Mon refuge. Emmène-moi loin de cette ville que je connais par cœur. Emmène-moi en plein hiver dans le port de Honfleur. Et tu seras mon refuge où que nous allions. Emmène-moi voir le Japon, ses cerisiers en fleurs. Emmène-moi écouter les sirènes, envoûter les pêcheurs. Et tu seras mon refuge où que nous allions. Emmène-moi, embrasse-moi à l'ombre des pommiers. Ce sera dimanche tous les jours de l'année. Yeah. Emmène-moi dans des forêts sombres où nous nous perdrons. Yeah. Emmène-moi voir les pyramides, saluer les pharaons. Et tu seras mon refuge où que nous allions. Emmène-moi, embrasse-moi à l'ombre des pommiers. Ce sera dimanche tous les jours de l'année. Et tu seras mon refuge où que nous allions. Faut dire qu'avant toi, jamais je n'ai eu de maison. Oui, tu seras mon refuge où que nous allions. Oh, allez, emmène-moi, emmène-moi, emmène-moi. Je ne suis pas la parisienne, parisienne, parisienne, Marie-Paul Bell. Lorsque je suis arrivée dans la capitale, oui, j'aurais voulu devenir une femme fatale. Ah bon? Mais je ne buvais pas, je ne me droguais pas et n'avais aucun complexe. Je suis beaucoup trop normale. Ça me vexe. Je ne suis pas parisienne, ça me gêne, ça me gêne. Je ne suis pas dans le vent, c'est navrant, c'est navrant. Aucune bizarrerie, ça m'ennuie, pas la moindre affectation. Je ne suis pas dans le ton, je ne suis pas végétarienne, ça me gêne, ça me gêne. Je ne suis pas karatéka, ça me met dans l'embarras. Je ne suis pas cinéphile, c'est débile, c'est débile. Je ne suis pas MLF, je sens qu'on m'en fait grief, m'en fait grief par toi. Bientôt j'ai fait connaissance d'un groupe d'amis, ah, vivant en communauté dans le même lit. Ah. Comme je ne buvais pas, je ne me droguais pas et n'avais aucun complexe. Alors je crois qu'ils en sont restés tout perplexes. Je ne suis pas nymphomane, on me blâme, je ne suis pas travesti, ça me nuit, ça me nuit. Je ne suis pas masochiste, ça existe pour réussir mon destin. Je vais voir le médecin, je ne suis pas schizophrène, ça me gêne, ça me gêne. Je ne suis pas hystérique, ça se complique, ça se complique. Oh, dit le psychanalyste que c'est triste, que c'est triste. Je lui dis, je désespère, je n'ai pas de goût pervers, de goût pervers. Mais si, rejoignez-nous. Pas mal, hein, Marie-Paul Belle avec « Je ne suis pas la Parisienne ». Les musclés, eux, vont nous interpréter « La bourrée des musclés ».

Allez, on va faire la fête? Oui, on va la faire la fête car c'est bientôt fini, hein. Ah oui, il n'y en aura plus qu'une. Et cette une, eh bien, vous allez la découvrir dans un tout petit instant. Pour te promener, ça va frimer dans le village. Assieds-toi vite sur le porte-bagages. On va se faire la fête, la fête, la fête. Un heureux événement, faut le traiter comme il se doit. On va se faire la fête, la fête, la fête. Ça n'arrive pas souvent, les copains, faut arroser ça. Et si la petite Ginette, Ginette, Ginette, ne veut pas faire la fête, tant pis pour elle, on invitera sa cousine Henriette, Henriette, Henriette. Avec elle, on est sûr au moins qu'on ne s'ennuiera pas. On va se faire la fête, la fête, la fête. S'amuser comme des fous sur un petit air d'accordéon. Le père Gontran vient de réussir. Trois ans, le permis de conduire, c'est formidable. Il va pouvoir enfin s'inscrire pour le Paris-Dakar. On va se faire la fête, la fête, la fête. Un heureux événement, faut le traiter comme il se doit. On va se faire la fête, la fête, la fête. Ça n'arrive pas souvent, les copains, faut arroser ça. Et si la petite Ginette, Ginette, Ginette, ne veut pas faire la fête, tant pis pour elle, on invitera sa cousine Henriette, Henriette, Henriette. Avec elle, on est sûr au moins qu'on ne s'ennuiera pas. On va se faire la fête, la fête, la fête. S'amuser comme des fous sur un petit air d'accordéon. La petite Gisèle vient de dire oui au gros Marcel, pour toute la vie. Il est heureux comme un pacha. Ce soir on va chez lui pour fêter ça. On va se faire la fête, la fête, la fête. Un heureux événement, faut le traiter comme il se doit. On va se faire la fête, la fête, la fête. Ça n'arrive pas souvent, les copains, faut arroser ça. Et si la Ginette, Ginette, Ginette, ne veut pas faire la fête, tant pis pour elle, on invitera sa cousine Henriette, Henriette, Henriette. Avec elle, on est sûr au moins qu'on ne s'ennuiera pas. On va se faire la fête, la fête, la fête. S'amuser comme des fous sur un petit air d'accordéon. On va se faire la fête, la fête, la fête. Un heureux événement, faut le traiter comme il se doit. Il a beau dire que c'est impossible, et on dit aussi que impossible n'est pas français. Eh bien, là, c'est possible, parce que c'est la fin de cette émission, et c'est Sacha Distel qui va nous le dire. Crois-tu que le ciel pourrait vivre sans soleil? Mais non, c'est impossible. Crois-tu qu'un enfant pourrait vivre sans printemps. Mais non, c'est impossible. Et de même, moi qui t'aime, qui t'espère et te rêve, crois-tu vraiment que je puisse vivre sans toi? Mais non, c'est impossible. D'autres mieux que moi sauront-ils tout te donner? Mais non, c'est impossible. Moi, si je t'avais, aurais-je besoin d'autre chose? Mais non, c'est impossible. Et si jamais tu voulais le monde entier, je te le donnerais. Je vendrais jusqu'à ma vie sans le moindre regret. Parce que vivre sans toi, cela m'est impossible. D'autres mieux que moi sauront-ils tout te donner? Mais non, c'est impossible. Moi, si je t'avais, aurais-je besoin d'autre chose? Mais non, c'est impossible. Si jamais tu voulais le monde entier, je te le donnerais. Je vendrai jusqu'à ma vie sans le moindre regret. Parce que vivre sans toi, cela m'est impossible, impossible. C'est impossible. Ça c'est fait, passons à autre chose, mais restons à l'écoute de votre radio locale, la seule à vous accompagner avec vos souvenirs, Sorgia FM. Eh bien non, je ne peux pas finir cette émission sans vous mettre en exclusivité avec Hubert Ledin. Hubert, vous savez, c'est un ami qui participe beaucoup dans l'activité de notre radio. Eh bien, il vient de sortir un nouvel album, Le Monde Amour. Il est disponible sur marianmelody.fr. Vous pouvez le commander. Ça ne vaut 9,95 €. Voilà. Allez, c'est Le Monde Amour et c'est La Vie qui nous va. Hubert Ledin. C'est comme un rêve qu'on vit à nous deux. Et chaque jour qui se lève est pour nous merveilleux. Vie qui commence depuis qu'on est unis, à fond dans notre romance, un peu comme au paradis. C'est la vie qui nous va, on n'y peut rien, on est comme ça. Et même si ça vous étonne, rien ne nous changera. C'est la vie qui nous va, je vis pour elle, elle vit pour moi. Et de l'hiver à l'automne, on s'aime et c'est tout, c'est comme ça. Ma chance, ma seule vérité. Elle est pour moi quand j'y pense, mon grain de liberté. Pour qu'on s'envole dans notre galaxie,